Règle non-verbale avec notre ami Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, évidemment, cette année, c'est les activités des aigles qui ont commencé depuis quelques semaines. Bonne nouvelle, vous avez ajouté une équipe? Oui, on a ajouté une équipe là, dans le fond qui va évoluer là, dans la Ligue Bantam 2B. Dans le fond, c'est une équipe là, qui va permettre là, une transition entre notre Benjamin et notre cadet, parce que OK. souvent après l'année cadet, on devait retrancher la moitié de nos jeunes. Donc là, l'objectif, c'est de déplacer dans cette équipe-là pour qu'ils puissent jouer dans le cadet l'année d'après. Il y avait aussi un objectif scolaire en arrière de ça, là, le fait que notre centre de service est relativement assez grand. Quand les jeunes viennent en secondaire 1 pour jouer au hockey, ben, on voulait avoir une continuité au niveau du programme. Donc, c'est ce qu'on essaie de créer avec ça. OK. Si on parlait un peu, donc, y a-t-il pas mal de joueurs qui ont joué dans cette nouvelle équipe-là? Ben là, on a une équipe là, on a une équipe complète là avec on s'est c'est un partenariat qu'on a fait aussi avec Hockey Saguenay. OK. Donc c'est ça, on pratique depuis 2 semaines présentement, puis ça a été comme un camp conjoint avec le cadet Division 2. OK. Donc on a placé des joueurs dans la catégorie cadet, puis il y en a d'autres qu'on a envoyés dans notre catégorie Bantam 2. OK. Donc ça va aider au développement aussi de votre équipe, du programme des aigles. Ouais, ben c'est ça. En fait, c'est pour assurer une continuité là, de développement là, au niveau de notre programme. Ouais. OK. Ça a-t-il été difficile de recruter cette année? Ouais, ben ça a été. T'sais, on avait des jeunes déjà dans notre programme, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est une année qui est un petit peu plus difficile là, en frais de jeunes au camp et puis tout ça. Ouais, ça c'est sûr. On le OK. sent aussi dans les inscriptions de hockey mineur là, Avec pour le parler avec COVID, ben la ça a dû changer fédération pas là. mal Ouais. aussi, hein? Ah ben t'sais, c'est sûr que le COVID a un lien avec tout ça. Il y a des jeunes qui se sont trouvés d'autres sports. Ouais. Ça c'est clair. C'est sûr que ça va se faire ressentir, mais maintenant c'est à nous là, conjointement les gens de hockey de trouver des façons de vous mettre des patins dans les pieds aux jeunes, puis de donner le goût à ces jeunes de jouer au hockey. Mais est-ce que c'est tout le monde un peu dans la même, est-ce que les autres équipes c'est la même affaire aussi? J'imagine que oui, hein. Ben, probablement, c'est sûr que t'sais, nous, par rapport à nos bassins, par rapport Ouais. aux jeunes qu'on avait déjà, peut-être que ça se refait peut-être un petit peu plus ressentir, mais je pense que c'est un petit peu partout pareil, là. Je pense qu'il y a vraiment une chute. Aussi une motivation. T'sais, ça n'a pas été une année facile pour les jeunes en général. Donc Ouais, c'est c'est clair, c'est clair. Puis surtout qu'on ne sait jamais ce qui va arriver là aussi, là. T'sais, moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'il annule la saison à un moment donné, là. J'espère que il y a ça aussi là, qui rentre en ligne de compte, là. Dis-moi, il y a quelques joueurs qui ont été repêchés cette année par la Légion majeure du Québec. À quelque part, c'est une fierté pour toi, là, et le programme, là. Oui, c'est sûr, c'est clair que c'est une fierté, mais t'sais, encore une fois, je le répète, t'sais, on ne fait pas ça pour le Ouais. repêchage. On essaie de placer les jeunes dans le calibre supérieur, puis on essaie de les développer. C'est du développement aussi. C'est une année spéciale l'an dernier, c'est des jeunes qui n'ont pas joué aussi. Donc, t'sais, les dépisteurs n'ont pas pu les voir jouer. Les dépisteurs cherchaient aussi des packages, des bons potentiels, ces trucs-là. Donc, c'est une année un petit peu différente. Maintenant, les joueurs qui sont repêchés, c'est à eux de continuer de travailler fort puis de s'impliquer dans leur démarche pour pouvoir monter dans le calibre supérieur. OK. Donc, on va suivre ça de près. Y a-t-il des matchs en fin de semaine? Y a-t-il Non, en fin de semaine, là, c'est probablement une de nos dernières fins de semaine, une de nos dernières fins de semaine de congé. Là, ça débute la semaine prochaine, le 25, on joue à Roberval. Nos trois équipes contre Arvida. Le 3, on joue à Arvida contre le Bleu et Or, puis en hors concours. Ensuite de ça, c'est le début de la saison régulière, le 9 et le 10 octobre là, pour toutes nos équipes. OK. Ben, Simon, on va se reparler tous les jeudis. Oui, il n'y a pas de problème, on s'en parle tous les jeudis. Notre ami Simon Gaudreau des Aigles de Robert.